bout de trop d'épisodes, je peux même plus compter le nombre. J'étais mort dans le film, mais je te suivais comme ton ombre. Un scénario écrit avec mes larmes et un peu d'encre. Mais je me doutais de rien quand à ton port j'ai jeté l'encre. Vous savez pas ce que c'est d'avoir le cœur déchiré. Quand j'essayais de le recoudre, direct il s'est effilé. T'étais tellement absent que je me suis mise à déprimer. Je voulais qu'on dialogue, mais je me suis mise à déviter. Tu m'as rendu parano, dépressive, agressive, bipolaire, en colère, une boule de nerfs, j'ai trop souffert. J'ai pris la fuite comme un antilope, t'étais le poison, y'avait pas d'antidote. Si tu veux que je développe, tu n'étais qu'une feuille blanche dans l'enveloppe. Pas d'émotion, t'étais comme un clown. Moi j'ai cru que t'étais dans ton rôle, donc j'ai écrit pour que ça touche. Mais comment je vais toucher un fantôme? Ouh, comment je vais toucher un fantôme? Ouh, comment je vais toucher un fantôme? T'es au premier rang, regarde bien le spectacle. Une femme détruite qui essaye d'éviter les obstacles. T'étais pas mon soleil, t'étais qu'un ciel rempli d'orage. J'aurais dû coûter ma bestie, elle me l'avait prédit comme l'oracle. Tu t'es fait désirer, tu t'es débiné, invitation déclinée, puis tu t'es défilé. Tous tes mensonges, j'en faisais mes vérités. Je m'étais auto-cloisonné, donc je me suis auto-délivré. Tu m'as rendu parano, dépressive, agressive, bipolaire, en colère, une boule de nerfs. J'ai trop souffert, j'ai pris la fuite comme un antilope. T'étais le poison, y'avait pas d'antidote. Si tu veux que je développe, tu n'étais qu'une feuille blanche dans l'enveloppe. Pas d'émotion, t'étais comme un clown. Moi j'ai cru que t'étais dans ton rôle, donc j'ai écrit pour que ça touche. Mais comment je vais toucher un fantôme? Ouh, comment je vais toucher un fantôme? Pour ça, je me suis perdue. Je voyais pas les signes, je sentais pas l'épine. Comment j'ai pu te suivre? Pour ça, je m'étais perdue. Je voyais pas les signes, je sentais pas l'épine. J'ai pris la fuite comme un antilope. T'étais le poison, y'avait pas d'antidote. Si tu veux que je développe, tu n'étais qu'une feuille blanche. D'émotion, t'étais comme un clown. Moi j'ai cru que t'étais dans ton rôle, donc j'ai écrit pour que ça touche. Mais comment je vais toucher un fantôme? Ouh, comment je vais toucher un fantôme? Ouh, comment je vais toucher un fantôme? Ouh, comment je vais toucher un fantôme? Comment je vais toucher un fantôme?